Attends, ouais, I'm sorry. Ok. J'ai fait une connerie là. C'est bon là? It's ok. I make a mistake. It's ok. Real good synchro because J'ai même pas joué, c'est ma batterie qui... Ah mais attends, y'a un problème là. Ça fait ça. Oh. Le problème. 1, 2, 3. 1, take. Shake. Do you hear? Can you see? Local channel volume to 0. Yes? It's 0. Me? Anon, play your... You can see your volume level on the local channel meter. Local channel. 0, center. 0, center, yes. Center. Up, into level and volume. À gauche, à droite, au milieu. 0. Je monte. 0. It's okay for me. Oh, salut. Thank you. Salut, Pepper. À plus tard. Moi, je vais au café, tranquille. Fais péter la tramontane et on la laisse. Thank you.